Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena. It's okay. You know, it's okay. On vous l'a dit et répété dans cette émission, parmi les hommes de Miles, il y eut différentes personnalités, différentes attitudes, différentes contributions. Les compagnons fidèles comme Wayne Shorter, les héritiers comme Wallace Roney, les proches collaborateurs comme Marcus Miller et les virtuoses de passage. Le guitariste Robin Ford est l'un d'eux. Découvert par Miles Davis alors qu'il se produit avec les Yellow Jackets, Robin Ford va insuffler une humeur blues dans l'orchestre du célèbre trompettiste. Cette aventure ne durera que quelques mois, mais l'intensité de leurs échanges sur scène restera gravée dans les mémoires. Le 17 juillet 1986, le casino de Montreux en Suisse accueille Miles Davis. Le public est fébrile, l'ambiance est électrique, le maestro présente son nouveau groupe. Bob Berg est au sax, Robert Irving et Adam Holzman au clavier, Felton Cruz à la basse, Vincent Wilburn à la batterie et un jeune prodige, Robin Ford, à la guitare. L'instant est solennel, le flamboyant Miles Davis joue les premières notes de Jean-Pierre, le concert événement vient de débuter. Ce jour-là, la tension est palpable. Miles se produit dans un grand festival accompagné de musiciens totalement inconnus du grand public. Une fois de plus, il tente une expérience. Réunir sur scène les meilleurs instrumentistes du moment, ils n'ont aucune notoriété, mais Miles leur fait tout simplement confiance. Robin Ford n'oubliera jamais ce jour où, en quelques minutes, il se retrouva dans la lumière, aux côtés du Prince de l'Ombre. Working with, you know, meeting and working with Miles Davis, obviously was, you know, a priceless experience. Rencontrer et jouer avec Miles Davis fut une expérience inqualifiable. La première fois que je l'ai rencontré, c'était backstage, avant le concert que je donnais à ses côtés. Nous n'avions pas répété, c'était terrifiant. J'ai cru que je ne m'en relèverais jamais. Il a réussi à me rassurer un peu. Quand je me suis avancé vers lui, il a pris mon bras et m'a glissé dans l'oreille. Tu comptes adopter quel look pour la scène? Il est vrai que j'étais habillé de façon très conventionnelle. Il ne m'a posé aucune question sur la musique. On est resté là, à discuter 10 minutes, et puis il m'a dit « On se retrouve sur scène ». J'ai quitté sa loge, je l'ai rejoint sur scène, et ce fut terrifiant. It was the legend in front of me, you know. I mean, when I came to meet him, La toute première fois, j'ai vu une légende devant moi. Quand j'ai décidé d'aller à sa rencontre, il m'a d'abord fallu trouver sa loge. Une fois devant sa porte, j'ai entendu ce son de trompette si particulier. C'était Miles. Il était derrière cette porte en train de répéter. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la porte, il était là, courbé sur sa trompette rouge, un look d'une classe. C'était Miles Davis. J'ai failli m'évanouir. J'étais muet mais si fier d'être là. Nous avons donc rejoint la scène et notre complicité est née durant le concert. J'ai très vite réalisé qu'il était heureux de jouer avec moi. Cela m'a tranquillisé un peu. C'était un musicien qui aimait les défis. Il cherchait sans cesse à vous provoquer sur scène pour vous tester, dans l'attente d'une réponse. Si vous aviez du répondant, il appréciait. Il cherchait à vous installer sur scène, à imposer votre présence. Être un musicien d'accompagnement ne l'intéressait pas. J'ai évidemment été en admiration au début, mais après deux concerts, j'ai compris qu'il fallait être dans le concert, qu'il fallait être dans le coup, heureux mais concentré. Il m'a testé et je lui ai fait comprendre que j'étais là. Après cela, il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Il m'appelait au téléphone pour me féliciter à sa façon. Il me faisait écouter l'enregistrement du concert à travers le combiné et ajoutait « Écoute ça, tu as super bien joué ce soir ». C'était une période géniale. Il aimait ça. Il jouait un petit recording sur le téléphone, vous savez. Listen to this. You playing your ass off. You know, some concert somewhere. And it was great, man. It was just great. Pour Robin Ford, la collaboration avec Miles fut aussi brève qu'intense. Mais le trompettiste eut l'intelligence de laisser partir sa jeune recrue pour qu'il développe sa propre carrière. Pour autant, Robin Ford suivra à la lettre les conseils de son illustre parrain, à savoir créer un univers musical original, ne jamais se détourner de son objectif, inventer, innover et rester en phase avec l'air du temps. Cette table des lois du jazz, Robin Ford s'en servira tout au long de sa carrière. Passionné de blues, il ne quittera jamais cette tonalité héritée de l'âme noire. Miles lui avait montré la voie et il entend bien honorer la mémoire de son mentor. The one person who makes me continue to believe that there can always be something new created is Miles Davis. La seule personne qui m'est convaincue qu'il est toujours possible de créer s'appelle Miles Davis. Bizarrement, il n'était pas un super compositeur, il n'écrivait pas énormément. Mais il avait ce don de trouver les personnes qui, ensemble, finissaient par créer quelque chose d'unique. Dans le passé, c'était pareil. À une époque où tout semblait stagner, il a tenté des expériences. Devant un tel exemple, je suis convaincu qu'il est toujours possible de faire du neuf. Il a pondu des albums étonnants, uniques, très différents, mais il reste contemporain. But he's trying. And then something happens, you know? Something wonderful comes out of it that's totally unique. All Blues, Miles Davis en 1959 sur l'album Kind of Blue, l'un des chefs-d'œuvre du maître il y a 50 ans. Preuve supplémentaire que le trompettiste portait en lui l'humeur blues du peuple noir qu'il avait décelé dans le jeu de Robin Ford. Il faut dire que dès son plus jeune âge, notre valeureux guitariste écoutait les prouesses de ses contemporains. I did like Eric Clapton. And I did like Jimi Hendrix. J'aimais bien Eric Clapton et Jimi Hendrix. Ils représentaient à mes yeux les deux seuls guitaristes précurseurs. Clapton et Hendrix avaient su conserver le côté blues, le côté traditionnel de la musique. J'écoutais beaucoup de blues, Sonny Boy Williamson, Muddy Waters et tant d'autres. Je reviens toujours au blues. Sinon, j'écoute beaucoup Miles Davis, évidemment, peut-être plus que n'importe quel autre artiste. And I listen to a lot of Miles Davis, probably more Miles Davis than anything. Thank you. Si Robin Ford est aujourd'hui un guitariste de blues réputé, ses accents jazz le hissent au rang des meilleurs instrumentistes de notre temps. Il faut croire que Miles Davis avait ressenti ce parfum jazz dans les doigts du guitariste. Pour autant, Robin Ford ne provient pas de cette tradition musicale-là. Il lui a fallu étudier ce langage pour briller aux côtés de ses héros. You know, I had heard of jazz and I realized that I knew nothing about it. So I started looking for records. Je ne connaissais rien au jazz. Je me suis donc mis à acheter des disques. Par chance, je suis tombé sur des disques étonnants. Les premiers que j'ai achetés étaient des albums d'Ornette Coleman et d'Archie Shepp. J'ai véritablement adoré ces deux disques. Pourquoi ? Je ne pourrais vous le dire. Quand on est musicien et que l'on veut s'améliorer, se diversifier, il est tout à fait logique de s'intéresser au jazz où la part d'improvisation a été profondément explorée par les plus grands. À l'inverse, même s'ils viennent également du blues, les artistes rock ont développé leur musique différemment, en direction de la pop musique. Il y a très peu de musiciens pop capables de rivaliser avec Wes Montgomery ou John Coltrane, avec des gens issus du milieu jazz. You know, really players like Wes Montgomery or John Coltrane or, you know, most of those people you find in jazz, you know. Well, my first instrument actually was saxophone. But I started playing a guitar just because. Mon tout premier instrument était le saxophone. J'ai en fait commencé à jouer de la guitare parce que nous en possédions une à la maison. Je jouais du sax et de la guitare. J'ai fini par former un groupe dans lequel je chantais également. J'ai réalisé que je voulais être guitariste en entendant Mike Bloomfield au sein du Paul Butterfield Blues Band. Il fut le premier guitariste à véritablement m'impressionner. Ce type jouait dans le sens premier du terme. Avant cela, j'avais bien sûr écouté les Beatles, les Rolling Stones, qui sont de bons musiciens, mais pour moi, ce n'était pas la même chose. Je me suis beaucoup identifié à Mike Bloomfield. Je voulais jouer comme lui. I really identified with that, and I started trying to play guitar like Mike Bloomfield, you know. Drinking from that loving cup. Won't you tell me something, buddy? What can I do? Honey, I wanna drink from that loving cup too. Honey, I wanna drink from that loving cup too. Loving Cup, Robin Ford réinvente un standard de Mike Bloomfield, l'une des sources de son inspiration. On pourrait croire à l'écoute de cette musique que notre invité du jour ne s'intéresse qu'au patrimoine et ne vit pas dans le présent, mais ce serait un peu réducteur. Certes, son répertoire fait appel à un héritage musical massif, mais il continue à chercher la nouveauté et à ouvrir grand ses oreilles, comme lui avait conseillé Miles Davis. I think it almost becomes a cliché. To think that, you know, nothing is like the old days, nothing's like it used to be. Il y a toujours ce cliché, rien ne vaut les jours anciens, ou à cette époque on faisait de la musique. Nous avons tous eu cette attitude, et puis une nouvelle génération s'installe et nous prend comme référence. Cela dit, je reconnais que j'écoute toujours de vieux disques. J'aime toujours le blues. J'écoute toujours du jazz, de la musique classique, mais il est de plus en plus difficile de trouver des musiques qui m'inspirent vraiment. Il faut être très attentif pour découvrir des sources d'inspiration. Ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec. Quand j'étais gosse, je ne recherchais pas la nouveauté. J'avais le blues, le jazz, et j'avais la chance d'entendre des programmes musicaux à la radio, très enrichissants. Aujourd'hui, à l'heure où l'on diffuse des musiques insipides basées sur l'argent et le succès, il est d'autant plus difficile d'entendre quelque chose de convenable. So these days, when most of what you have on the radio is basically uninspired, yeah, you know, it's hard for anybody to hear anything good. Thank you. Lors de son récent passage à Paris, Robin Ford nous a encore prouvé qu'il détenait les clés du temple jazz. À 58 ans, il donne l'illusion d'être resté un gamin, toujours curieux et passionné, toujours enthousiaste à l'idée de monter sur scène ou de composer une mélodie. Et à tous les jeunes guitaristes en herbe qu'il croise et qui lui rappellent le timide musicien qu'il était jadis, il donne volontiers des conseils, un avis, son sentiment et fait part de sa propre expérience. I've been listening to music for years and years, you know. J'écoute de la musique depuis des années et j'ai réalisé quelque chose récemment. Vous savez, je me suis fait tout seul. Je n'ai jamais pris de cours de guitare, seulement des cours de saxo. J'ai appris les bases du solfège, je sais reconnaître les notes. Étant autodidacte, j'ai réalisé qu'écouter la radio fut une école pour moi. J'ai appris mon métier en écoutant et en essayant de reproduire cela sur mon manche de guitare. Je n'ai jamais décidé de m'attarder sur un solo précis. J'écoutais et aussitôt, j'essayais de reproduire ce que je venais d'entendre. Il est très important de faire cet effort. Je comprends la frustration d'un jeune amateur. J'étais frustré également, mais c'est cela qui vous pousse à continuer. Il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs ou de sonner faux. N'hésitez pas à monter un groupe, à organiser des concerts, éclatez-vous, c'est ainsi que l'on apprend, c'est ainsi que j'ai appris, et c'est payant, j'en suis la preuve. Et vous devriez sortir en front de gens et faire un fou de vous-même, si c'est ce qu'il faut. C'est la façon que j'ai appris, et ça a payé. Nous allons nous quitter avec un titre que Robin Ford a composé en 1992, peu de temps après la mort de Miles Davis. Et bien qu'il n'ait jamais officiellement présenté cette mélodie comme un hommage au maestro, les paroles sont assez troublantes. « Au-dessus de mon épaule, il y a un homme qui attend. Il a un sens de l'humour très particulier. Il ne rit pas. Il est inutile de le présenter. Il ne veut pas s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant. Il est plutôt mystique. » Voici « Mystic Mile ». Thank you. leaps from the water like a thief in the night. Like a ghost, suddenly and there he's standing by the roadside. He won't need no introduction. He won't want to stop a while. On the mystic mind, easy mystic. On the mystic mind. Mystic Mile, Robin Ford en 1993 sur l'album du même nom paru chez GRP.